بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. نبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. On commence إن شاء الله اليوم des cours sur l'explication des rites du Hajj et de la Umrah. لأن إن شاء الله قريبا كثير من المسلمين ils vont se rendre في المملكة في بلاد الحرمين pour accomplir le Hajj. Et من المهم ومن المناسب والمطلوب شرعا c'est d'étudier comment faire le Hajj, comment accomplir les rites du Hajj et de la Umrah avant de se rendre هناك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم سين عبادة عظيمة، عبادة عظيمة خاصة في هذا الزمن كثر فيه الجهل، قليل جدا من يعتني بالعلم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فسيصى طريق الجنة أخي الكريم، طريق الجنة سي العلم والعمل تسابق الإخلاص. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث له طرق ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله، كتاب النفيس، كتاب النفيس في بيان العلم وفضل العلم وفضل العلماء. C'est une référence. Jami' bayan al-ilm wa fadlih. L'imam Abi Umar Yusuf ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi. Fadhakara turuq li hadha al-hadith qu'on va citer, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm c'est une farida, c'est une obligation ala kulli muslim. Lafd kulli muslima لا أصل لها، ويغني عنها ما جاء في الحديث على كل مسلم. لا شك أنه سانغلوب المرأة، لأن طول النصوص سكونسيرن لوم إلى فام سوف سي أون أن دليل كي مونتر كو سي ريزيرفي كو بور لوم أو كو بور لا فام. فهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم سانغلوب المرأة، فلا حاجة للفظ كل مسلمة. Et on ne le cite pas, لأنه لأن هذه اللفظة لا أصل لها. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه قال قد أجمع العلماء après avoir cité ce hadith, قال قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه. إجماع العلماء l'unanimité des savants أن من العلم أي des choses que chaque musulman doit connaître. Personne n'est excusé de ne pas faire d'effort à apprendre. Là, chacun a des choses, ce n'est pas pour tout le monde. فلهذا قال الإمام عبد البر رحمة الله عليه قال ومنه ما هو فرض على الكفاية. نعم يا دي مسائل دي شوز سي با اوبليغاتوار بور تو لو مون. قال إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع هو الذي يلزم الجميع. اي نعم سكون ابل فرض الكفاية اي سي une partie de la communauté elle fait des efforts في هذا الشيء فالوجوب يسقط عن الآخر. قال والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك c'est ce qui nous intéresse نحن الآن dans notre مقدمة أي il y a des choses c'est obligatoire pour tout le monde. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك أي on est tous concernés يا إخوان par ces choses qu'il va citer. أي في العلم on doit faire des efforts في هذا c'est obligatoire. قال ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب. أي نعم et tout ça c'est lié avec les durus de التوحيد. الشهادة باللسان أي الشهادتين et ce qu'elles impliquent les شروط le معنى l'explication les contradictions النواقض les annulations etc. tout ça c'est واجب على جميع المسلمين لأن أنت يا مسلم بهذه الشهادة tu dois connaître le sens et tu dois connaître les choses qui annulent cette شهادة حتى تبتعد عنها ولله الحمد on a expliqué هذه الشهادة dans plusieurs هذه الشهادة dans plusieurs durus. ثم قال بعد ذلك bien sûr avec الشهادة إلى سيت الإيمان العقيدة etc. كذلك قال وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم أو علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. كذلك تكونسرني par الصلاة بني الإسلام على خمس قال عليه الصلاة والسلام إلى سيت الشهادة إلى سيت الصلاة فتوسا تكونسرني أنت tu dois connaître les choses qui annulent cette صلاة tu dois connaître les conditions les obligations tu as besoin de الطهارة pour que ta صلاة elle est acceptée tu dois connaître أحكام الطهارة. قال ابن عبد البر وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به كم الصلاة tu dois connaître كذلك الصيام tu dois connaître أحكام الصيام qu'est-ce qui t'est autorisé qu'est-ce qui t'est interdit etc. قال وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه نعم سلع المال et la qudra pour le hajj ça va impliquer des choses. قال ما تجب فيه الزكاة s'il a de l'argent il est concerné par le zakat enfin il doit connaître ahkam zakat combien il doit sortir à qui il doit donner etc. le moment. قال ومتى تجب فيه وكم تجب ولزمه ان يعلم بان الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره كما سيأتي معنا إن استطاع السبيل إليه. هذا الشاهد أن المسلم يدوافر ديزيفور قبل أن يحج سي الله سبحانه وتعالى وفقه يلوى فاسيليتي هذه لفت أكمبلير هذه العبادة العظيمة فإفت ديزيفور avant de se rendre في بلاد الحرمين avant de commencer هذه العبادة العظيمة il fait des efforts في العلم لأن ceux qui sont partis au Hajj, ils ont vu هذا. Anna ba'd an-nas yadhhab, et il arrive au moment venu, le jour J, pour faire tawaf, ou pour faire sa'i, ou pour se mettre qabla dhalik en ihram, wala yadri. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Enfin, il suit rubbama aveuglément les gens, ou yatakhabbat wala shak. Et هذا c'est un naqs fi. Fi umur ad-dunya, avant de faire quelque chose, ghalib an-nas, akthar an-nas, ammat an-nas, il se prépare. Tu dois voyager, tu dois aller dans un endroit, tu dois construire, tu commences un projet, tu ouvres une entreprise. Là, chacun an-nas, il donne du temps. L'imad al an-nas, c'est umur ad-dunya. Et il sait que si c'est pas fondé ala ilm, son projet, probablement il n'y aura pas de bénéfice, il ira pas loin. Fatajidouhum, ils font des efforts, s'ils le feraient fil ilm shar'i, ils seraient à la khayr, dit-on. Nous, musulmans, on doit qadr hada din, et on doit faire des efforts fil ilm, et on doit faire des efforts fi ma yanfa. Yanfa'una fi dunya qabla al-akhira. Amma al-naf'a fi al-akhira, فإن شاء الله العظيم كما سيأتي معنا نذكر بعض فضائل الحج والعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فضل عظيم فضل عظيم في العمرة في الحج قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وسيأتي معنا نطق حديث أن الحج يهدم ما كان قبله أي من المعاصي والذنوب فأدخل الحج الحج أو العمرة العمرة مثلا واحد إلى العمرة لاني دغنير يغف العمرة استني أدخل سيد عمرة الله سبحانه وتعالى يبعدن ما كان بينهما أي من الصغائر قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا فضل عظيم هذا هو notre but pourquoi on fait le hajj pourquoi on fait des efforts pourquoi on aime cette عبادة لأن الثمرة العظيمة cette عبادة لكن انتبهوا وتأملوا الحديث والحج المبرور c'est pas n'importe quel hajj Al-jaza, la récompense qui est citée dans ce hadith, ay, laysa lahu jaza'un illa al-jannah, elle est par rapport à ce hajj al-mabrour. Fa akhil karim, tu dois connaître, tu dois comprendre, tu dois savoir c'est quoi al-hajj al-mabrour. Fa sarahu al-nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, hadith Abi Huraira, fi sahihayn, kadalik, le hadith qu'on a cité auparavant, kadalik, fi sahihayn. قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الحديث كما تقدم في الصحيحين تأمل سو حديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم il te montre une deuxième récompense le premier hadith ليس له جزاء إلا الجنة le deuxième hadith Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses péchés. يَرْضِعْ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ On appelle anna lafd kayawma, on l'a lu bil fath. Lianna ya akhilaf, est-ce que tu dis kayawmi ou kayawma? Walladhi yadhar anna kayawma se afsah. Il est mabni ala al fath. Et ba'duhum, ils disent que yajouz de dire kayawmi. Hada tanbih min hayth al-lugha. On revient à notre hadith, man hadda lillah. فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ وَرَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ Donc, pour avoir la récompense, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre les conditions. أَوَّلًا مَنْ حَدَّ لِلَّهِ Il faut que ce hajj, il soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibada. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا كَذَلِكْ لَمْ يَفْسُقْ Tout ça, ça y est, ma'ana, l'explication de ce hadith, l'an. Lakin, tambihun, avant qu'on lit kalam, al-hafidh, al-imam ibn Rajab, rahmatullah alayhi, anna pour te montrer, anna, ihris, akhi al-karim, que ta niya, et ton objectif, c'est ce hajj. lillah. Pas pour qu'on dise Fulan il a fait le hajj. La afdan, ça c'est min bab ar-riya. Et la shak anna celui qui a cette niya wal iyad billah, il rentre pas dans les conditions là. Il revient pas comme le jour où sa mère l'a enfanté. Abadan. Abadan lianna al-hajj al-mabrur la bud an yakun khalisan lillah jalla wa ala. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه النافع لطائف المعارف فيما للمواسم من وظائف. C'est un kitab جميل هذا. Un kitab, il te montre chaque mois de l'année, il te montre les fadaïls qu'il y a dans ce mois et les a'mal qu'il y a dans ce mois. مثلاً شهر رمضان. Et il t'explique que dans ce mois, il y a, c'est un mois sacré أولا, et tu dois faire le jeûne, tu dois, etc. شهر ذي الحجة. Il t'explique que c'est un mois sacré, كذلك, et il y a une ibada azima, al-hajj. Shahr Muharram, كذلك, il te montre. Anna, tu dois jeûner tel jour. Fa'il est nafi' jiddan, c'est un kitab nafis. La ta'if al-ma'arif, fima lil mawasim min wada'if. Al-mawasim, c'est les périodes. Wada'if, wadifa, c'est un amal, une chose que tu dois faire dans ces périodes. Il t'explique chaque mois. Rahmatullah alayh. Qala fa ma'rifat. أو فمغفرة فمغفرة الذنوب أي كسيتي dans le hadith من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي الله سبحانه وتعالى lui a pardonné tous ses péchés. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة. Les deux hadiths qu'on a cités, les deux hadiths qui sont de Abu Huraira رضي الله عنه, et les deux ils sont في الصحيحين. قال مرتب على كون الحج مبرورا. Pour avoir cette récompense, il faut que le حج soit مبرور. La question qui se pose l'un, c'est quoi le حج المبرور؟ قال وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه. Deux choses, أخي الكريم, pour que ce حج soit مبرور. ننبه الإخوان, ceux qui écoutent avec nous l'un, et ceux qui écouteront, inshallah plus tard, annahum yukhan des notes. Lianna, ces drous l'an, c'est des drous muhimma. Inshallah, on appuie avec des preuves, min al-kitab, min al-sunna, avec kalam ahl al-ilm. Bah, inshallah, prenez des notes. C'est pas une muhadara. Hatta al-muhadarat, al-haqiqa, c'est à la nafi'a. On prend des notes, nastafid, hatta on propage. Lakin, ces drous l'an, rubbama ta ton père, rubbama ta mère, rubbama ton frère, ton oncle, ou autres, ils vont faire le hajj. Fa'anta, si t'as des notes, t'as écouté, t'as participé, walillahi alhamd, si t'as ishkal, t'as posé ta question, et t'as des notes, c'est quoi le hajj al-mabrour, matalan, tu cites le dalil, tu cites la récompense, tu cites, voilà, tu résumes, t'es pas obligé de tout noter. Et on avait fait des dros, walillahi alhamd, ma'al ikhwan, fi kayfiyat al-istifada, comment tu profites des dros, al-manhadiyya, etc. Fa c'est muhim. فأنا أبليك الآن dans ces دروس حتى الفائدة لأعظم النفع لأكبر. أما مجرد tu écoutes ربما on finit le درس, tu révises pas, t'as pas pris de notes, ربما tu rapportes le كلام pas comme on l'a dit, ربما tu oublies quelque chose d'important, ربما ça se mélange. Voilà, هذا c'est du علم, c'est une أمانة عظيمة. فنحن on est des طلبة العلم, فأنا s'habitue à ça. Des notes مختصره ان شاء الله tu profites toi اولا et tu peux faire profiter les autres. نسال الله سبحانه وتعالى يعين الجميع. قال وانما يكون مبرورا باجتماع امرين فيه. Deux choses pour que le حج soit مبرور. La première chose احدهما اي الامر الاول قال الاتيان فيه باعمال البر والبر يطلق بمعنيين اي على معنيين. La première chose pour que le hajj soit mabrour, Akhil Karim, pour que tu profites de cette récompense qui est citée, ay Allah il pardonne tes péchés, et la récompense est le Jannah. Pendant ce hajj, tu fais des bonnes actions. Ce bir, ces bonnes actions, il y a deux cas, ou deux sous-catégories. Qala al-Hafidh ibn Rajab, rahmatullah alayhi, qala. الأول بمعنى الإحسان إلى الناس. Vous suivez الآن. لابد pour que le حج soit مبرور. Premièrement, أعمال البر. Que tu fasses des bonnes actions. Les bonnes actions, Ibn Rajab il te montre, tu peux les diviser en deux sous-catégories. La première sous-catégorie, al-ihsan ila nas. Les bonnes actions avec al-makhluq, avec les créatures. Qala kama yuqal al-birr was-sila wa dhidduhu al-uquq. Na'am. Tu dis matalan birr al-walidain. C'est une bonne action qui est liée avec tes parents. C'est un bon comportement avec tes parents. Al-ihsan ila al-walidain. Le contraire, al-uquq, uquq al-walidain. Un mauvais comportement, désobéissance aux parents. Hada al-ihsan ila al-nas. Par rapport au hajj, ça va englober plusieurs choses. Ça va englober na'am, plusieurs choses. Al-rifq ma'a al-rufaqa. T'as de la douceur, akhil karim, avec ceux qui sont avec toi. Khasatan si c'est des proches. Kadalik al-sabr ala al-hujjaj. Kadalik tu patientes ma'a ikhwanik. Ta'alamoun anna fil hajj, il y a beaucoup de monde, zahma. Rubbama, il y a des endroits, c'est juste. Avec la fatigue, la bud bin al-sabr. Patiente avec tes frères. Patiente, khasatan, akthar al-nas, ils sont à la jahl. Et ils ne connaissent pas. Et il y a des vieilles personnes, des personnes malades, Rubbama, ils ne patientent pas pour des choses minimes. Fa anta isbir. Kadalik ta'lim al-nas. Ça, c'est min al-ihsan. Il al-nas, fil hajj. Ta'lim al-nas. Al-nasiha. Al-da'wa. Al-amr bil-ma'ruf. Al-nahi an il-munkar. Tout ça selon tes capacités. Bila takalluf. Ne t'impose pas. Et ne dépasse pas les bornes. Fi hada. Il y en a beaucoup de gens, probablement, ils veulent khair et ils dépassent les limites. Là, on s'habille avec ce qui est ahsan. Il accepte, alhamdulillah, il n'accepte pas. Et wallah, alhamd, il y a des milliers de personnes à qui tu peux faire une nasiha. Non, sans hausser la voix, sans s'énerver, sans. Le waqt il est yassir. Était dans. Non, ibad azim. T'as besoin de temps, etc. Fala tudayya waqtak. S'il accepte, alhamdulillah, il n'accepte pas. T'es pas mas'oul an. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فالحمد لله tu peux avec la langue, tu peux avec ton cœur. صح كذلك. Ça donc c'est la première sous-catégorie, al-ihsan ila al-nas. Deuxième sous-catégorie, fi'l al-ta'at kulliha, ay al-an ay al-ibadat, ay l'adoration, les bonnes actions. Et tu fais les adorations que Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré. وهذا, ça englobe beaucoup de choses. أولاً الإخلاص comme on a cité. كذلك المحافظة على الصلوات. كذلك الأذكار المشروعة. كذلك تطبيق السنة. Etc. Inch'Allah, on détaillera certains points. Donc, الأمر الأول pour que le حج soit مبرور, البر. الْإِتِيَانَ فِيهِ بِأَعْمَالِ الْبِرِ. Aïe, on fait des efforts pour faire des bonnes actions. Fi hada al-hajj. Que ça soit par rapport au makhlouq, on a l'ihsan, on a un bon comportement, on patiente, etc. Ou, et c'est ça, al-aham, al-asr, qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est ça notre but fi hada al-hajj. Deuxième point, pour que le hajj soit mabrour, قال ابن رجب رحمه الله عليه الامر الثاني مما يكمل به بر الحج اجتناب فعل الإثم فيه. اجتناب أفعال الإثم فيه. Premier point donc c'était البر, tu fais des bonnes actions. Deuxième point, tu t'écartes des محرمات, tu t'écartes des بدع, tu t'écartes des خرافات, tu t'écartes du شرك. Enfin, si tu appliques ces deux points, un, tu fais les bonnes actions et tu t'écartes des mauvaises actions, inshallah ta'ala ton حج il est مبرور. Et tu rentres chez قول الله عز وجل والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن رجب رحمة الله عليه قال اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم, استدل بالآية في سورة البقرة ومن سورة البقرة. Et Inch'Allah, on reviendra sur ce verset. Alors, on lit, on lit tafsir, Cheikh Sa'di, rahmatullah alayh, mukhtasaran, qala, Cheikh Sa'di, fi tafsir, qala, al-rafath, huwa al-jima'. Fa maintenant, cette chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité fi al-Qur'an al-Karim, fala rafatha. Cheikh Sa'di, il t'explique, al-rafath, c'est al-jima'. Wa muqaddimatuh, à avoir des rapports avec sa femme, ou hatta al muqaddimat. Qala al fi'liya wal qawliya, que ce soit des paroles ou passer à l'acte. Tout ça c'est haram fi al hajj. Dès que tu es en état d'ihram, comme azayati ma'ana, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Enfin, celui qui s'écarte de cette chose-là, hein, et bien sûr de tout ce qu'on a cité, incha'Allah son hajj, il est mabrour. قال والفسوق هو جميع المعاصي نعم من كذب وسرقة وغش وسب والشتم etc. إن شاء الله celui qui s'écarte de ses معاصي et il fait des efforts في الطاعات واتقوا الله ما استطعتم فإن شاء الله son حج مبرور. كذلك من فضائل الحج ما روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن العاص رضي الله عنه قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله فضل الإسلام celui qui se convertit et ça c'est une bouchra ولكن أكثر الناس لا يعلمون ça c'est une bouchra أن celui qui se convertit الإسلام يهدم ما كان قبله toutes les erreurs tous les péchés حتى الكفر والشرك ou al-ilhad, etc., s'il se convertit, ou yatoub, taubatan nasouha, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. Qala wa anna al-hijra, tahdimu ma kana qablaha, fadlu al-hijra, kadalik, fadlu azim, anna celui qui fait l'hijra, sincère, il est sincère lillahi azza wa jal, la li al-dunya, la, il fait l'hijra lillah, pour préserver son din. Il y a fait le kufr, il est en danger. C'est ça, sa niya. Cette hijra, tahdim ma kana qablaha. Ay min al-ma'asi. Min al-ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses fautes. Qal wa anna al-hajja yahdi ma kana qablaha. Et c'est ça, le shahid min al-hadith. Anna al-hajj, celui qui fait le hajj, bien sûr, le hajj, le mabrour qu'on a cité, lillahi azza wa jal, fahada, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses fautes. بهذا الحج وفي السنن عن عبد الله بن مسعود وجاء عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنها أو فإنهما ينفيان الفقر والذنوب سأسلين بشرة كذلك قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الحديد نعم دونك الحج والعمر قوله تابع أي essayer de faire chaque année pour celui qui a le qudra pour celui qui a le temps pour celui bien sûr c'est pas obligatoire comme a dit معنا أن الحج والعمر c'est واجب une fois لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il te montre فضل le fait de faire souvent تابع بين الحج والعمر أي les erreurs qui entre le حج والعمر مثلا tu fais le حج cette année tu l'as fait l'année dernière, Inch'Allah tu le fais l'année prochaine. Entre chaque hajj, chaque umrah, Allah il te pardonne tes péchés. Al-Hadith, ou les deux hadiths, hadith Abdullah ibn Mas'ud, كذلك hadith ibn Abbas, radiyallahu anhuma, hassanahuma al-imam Muqbil ibn Hadi, al-Wadi'i, rahmatullah alayh, fi kitabihi al-Nafis al-Sahih, al-Musnad. Tanbih, on a fait un tanbih, anna al-takrar qui cité, il est muhim, lakin ba'd al-ikhwan, ils veulent l'ajr, la shak, ils font des efforts fi hada, lakin ils font le hajj tous les ans, et ba'dhum, ils vivent encore inda al-kuffar. Et ta'lamoun anna al-hajj c'est obligatoire une fois, et l'hijra c'est obligatoire. Amma faire le hajj une autre fois, avec son obligation, c'est pas obligatoire. C'est une nafila, tatawwa. Amma al-hijra, elle est obligatoire. Fait tanbih huna, un abad l'ikhwan, il fait le hajj, walillahi l'hamd, tumma il revient, tumma une autre année il refait le hajj, tumma une troisième année, tumma une quatrième année, et il revient d'aïman inda al-kuffar. Et rubbama, s'il est conseillé de faire l'hijra, qu'un frère il le conseille de faire l'hijra, rubbama il n'a pas les moyens. Wa hada fil haqiqa, on lui dit, ya akhil karim, قدم الواجب على النافلة الواجب يباصه النفل خاصة أنت لبُت دسحج سك الله يتعذن تفوت إن شاء الله تغنز نظم الدين أما en revenant عند الكفار en revenant عند الكفار tu fais du mal à ton din tu fais du mal. C'est pour ça que ceux qui font le hajj, et celui qui a fait le hajj et qui est revenu fi bilad kufr, il a ressenti hada tanziq shadid. Liana, tu sors d'une ibadah azima, et tu étais dans un balad tayyib, un balad, comme on l'a expliqué hier dans le muhadara, qui donne l'importance à l'islam et qui respecte les musulmans. Thumma, tu reviens inda al-kafara, al-mulhidin, la chaque que ça te fait du mal. Alors, on conseille les frères de faire al-hijra. Elle est wajiba. Elle va préserver ton din, bi-idnillah azzawajal. Et le fadl, il est azim. Al-hajj, il efface les péchés, kadalik, al-hijra. On qaddim al-wajib al-naf. Et thumma, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité l'hijra, thumma, il te facilite mal, wa waqt, wa qudra, et tu fais l'hajj tous les ans, ba'da dalik, fa-nour ala-nour. Amma, on reste sur le kufr, et on fait l'hajj tous les ans, et on ne fait pas l'hijra wajiba, fa-la. Et ta'lamoun, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hijra, bel wujub l'hijra, il est avant wujub al-hajj bil-ijma'. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu obligatoire l'hijra au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'obligation du hajj. Fali hada, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hijra, thumma, il a fait l'hajj. Hada, c'est muhim. Hada, c'est muhim, lianna nara ba'd al-ikhwan, ça fait des années, ils font l'hajj, et ils habitent toujours, inda al-kuffar, ils sont en danger, eux, et leur dîn, il est en danger. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiq al-jami'a. Cheikh Abdel Mohsin, al-Abbad, al-Badr, حفظه الله ووفقه لكل خير إلى أن رسالة نافعة. On va citer quelques références في الباب. لكن الآن on va lire de cette رسالة تفسير الناسك بأحكام المناسك. Et il a cité un chapitre مهم. الآداب والأخلاق. آداب وأخلاق يكون عليها الناسك. الناسك c'est celui qui fait مناسك الحج. أي c'est الحج. Fi hajjihi wa umratih. Et ça, c'est un bab muhim. C'est pour ça qu'on va le lire. Aïe, celui qui fait le hajj ou l'umra, il doit avoir un comportement. Il doit avoir un comportement. Léanna, il n'est pas tout seul. Léanna, il est fi ibadatin azim. Il est rubbama dans un hôtel, il est avec un groupe, il se déplace en groupe, etc. Enfin, ça demande des adab ou des akhlaq. الأدب الأول كلا سيتي الشيخ عبد المحسن et c'est le plus important الإخلاص la sincérité. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Des choses qu'on lit, ils sont pas dans رسالة الشيخ عبد المحسن مثل هذا الدليل. نحن on lit et on rajoute, لكن tous les points qu'on cite là, la base, on se base sur رسالة الشيخ عبد المحسن حفظه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى, فالحديث حديث قدسي, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه, فالعمل المقبول سالعمل الخالص. Si tu veux que ce hajj soit accepté, premier comportement que tu dois avoir, c'est ma Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que ta niya, ton qasd, ton intention, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith al-sabiq, qu'on a vu, man hajja lillah, falam yarfut wa lam yafsuq ila akhire, raja'aka yawma waladatfu ummu. Cette condition, الإخلاص. Et c'est une condition pour tous les أعمال. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف قال ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه أن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهلة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء. Et ça c'est مهم. Et ça c'est مهم. أي de purifier ton intention, akhi al-karim. قال ولا يقصد به الا وجه الله ورضوانه ويتواضع في حجه وتسكين وقال ويخشع لربه. نعم, فالاخلاص. اخلاص c'est une condition pour l'acceptation de toutes les œuvres. فنحن لا cite هنا في باب الحج. ثم يسيت une parole جميله لشريح. قال شريح الحاج قليل. الحاج أي ceux qui font le hajj. Pas confondre avec on dit le hajj et on dit le hajj. الحاج C'est celui qui fait le hajj. Qala al-hajj qalil. Et ceux qui font le hajj, ils sont qalil. Qala wal-rukban kathir. Al-rukban, c'est ceux qui se déplacent. C'est quoi l'ayn qui fait la différence entre al-hajj ou al-rukban? Qala shurayh ma akthar man y'amal al-khayr, walakin ma aqal al-ladhina yuriduna wajha. Shurayh, il te montre qu'il y a كثير من الناس ils font le hajj, lakin rubbama la niyya les mauvaises. فالركبان كثير ceux qui se déplacent. لكن الحاج أي celui qui fait un hajj صحيح خالص لله ils sont aqal. Enfin, on fait des efforts في هذا et on conseille في هذا الباب. La première chose que الحاج celui qui veut faire le hajj il commence, c'est sa niyya. فلا تغتر أخي الكريم بما يفعله الجهال هناك من الغلو في القبور أو التمسك بجدران الكعبة. فسي الجهل. Tu trouves واحد يسكخوش على كعبة. واحد يسسوي على التراب. Que ce soit في البقيع أو أطر. بل بعضهم يدعو ويستعين ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout ça c'est من الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه. Et أمرنا بالاتباع. Pas le شرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم c'est un guide, c'est notre imam, c'est la personne que l'on aime le plus. لكن العبادة c'est لله. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تنقلب جميع المخلوق جميع المخلوقات. لكن للأسف هناك يتقطع قلبك تشوف هذا المنظر واحد. Et il demande au prophète عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بهذا اللفظ. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم il est mort. Et même s'il serait vivant, tu peux pas l'invoquer dans une chose qui est réservée à Allah سبحانه وتعالى. هذا c'est خطير جدا. وبعضهم والعياذ بالله c'est une مصيبة كذلك. وبعضهم إذا رجع وانتهى من الاتيان بهذه العبادة العظيمة يغفين الحج normalement il doit espérer que Allah lui a pardonné ses péchés etc, qu'il a la récompense de la Jannah, il est revenu comme le jour où sa mère l'a enfanté etc, tout ça il l'annule, il égorge pour une tombe pour Sidi Foula. Ça se fait beaucoup. Wallah al-musta'an. Au lieu de remercier Allah et يشكر الله سبحانه وتعالى et il fait des efforts, il continue à faire des efforts après cette ibadah azima, il annule tout بالشرك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Il revient du hajj au lieu d'avoir la récompense qu'on a citée, هذا il annule tout. Il annule son hajj. Il annule sa salat, il annule son islam. S'il égorge pour une tombe et il se rapproche de cette tombe, wal'iyadu billah, hada c'est aïn ou shirk. Al-hadar. On fait des efforts fait da'wa fi hada al-bab. Il y en a, بعض الناس مساكين ils sont à la jahl. Ils savent pas. Et ربما يقعون في هذه المخاطر وفي هذه المهالك. فنحن on conseille. Et on place nos efforts في التوحيد. الحج سموسم عظيم pour le التوحيد. كما سيأتي معنا التلبية. التلبية c'est du توحيد pur. فالحج سموسم عظيم pour faire الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. كذلك من الأخلاق الشيخ عبد المحسن إلى سيتي نصر رسالة قال أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة. وهذا هو سيتي هذا on l'a cité dans notre مقدمة. Et هنا on cite quelques رسائل que nos frères ils peuvent lire, étudier de nos savants. منها on cite رسائل مختصرة. أما تعلمون أن صحيح البخاري صحيح مسلم tous les شروحات tous les كتب de fiqh il y a un باب في الحج والعمرة. Et c'est ça les références. لكن نحن الآن on cite des رسائل مختصرة. En général, elles sont traduites « Hatta yastafid al-ikhwan ». Première risala, « Al-tahqiq wal-idah ». Les kathir min masayil al-hajj wal-umra wal-ziyara. Les imams, Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayhi. C'est une risala nafi'a. Il la distribue هناك gratuitement. Jazahum Allahu khayran. Et elle est nafi'a comme toutes les rasail de Cheikh Abdel Aziz. كذلك مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة للإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. Et c'est من أنفس الرسائل في هذا الباب. خاصة à la fin il a cité un chapitre في بدع الحج والعمرة. Et هذا c'est مهم. كذلك شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. C'est une رسالة كذلك طيبة نافعة. كذلك رسالة إغنانا بغلي تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. توساس مهم أخي الكريم que الإنسان سوى جن أو فيو homme, femme, نعم, qui sait lire ou pas, il doit faire des efforts في هذا. S'il ne sait pas, ça, il demande, quelqu'un l'aide, il lui lit, il lui montre, حتى يطبق أمامه, ça va l'aider. هذا. كذلك, on conseille les frères qui assistent aux dorons, qui montrent aux autres, que ce soit au masjid, que ce soit chez toi. Il a آخر. ولله الحمد, ce chapitre, في الحقيقة, il y a de la عناية, que ce soit au niveau de traduction, au niveau de dorons, etc. الحمد لله, le خير موجود. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه العلم قبل القول والعمل واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أي صش que personne ne mérite l'adoration sauf Allah واستغفر لذنبك فالله سبحانه وتعالى لست العلم قبل القول أي النطق بالشهادة العمل الاستغفار فهكذا نحن العلم قبل القول والعمل والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا سيزال عمل المقبول عمل المقبول يفوك تسوى مخلص لله عز وجل وكذلك موافقة السنة لأن كثير من الحجاج يفون دي الشوز يأكل دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كسوى دي الصلوات دي أذكار Il lève les mains dans des endroits qu'il ne faut pas lever les mains. Il rajoute, que ce soit niveau nombre, niveau... كثير من الأمور, il n'y a aucun دليل. وهذا c'est pas مقبول. كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود على صاحبه. من عمل عملا celui qui fait quelque chose que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait. ليس عليه أمرنا أي يبقى الدليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد سمردود على صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فصص دليل واضح النص que tu dois suivre النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ce qu'on a cité auparavant c'est des دليل عام des أدلة عامة suivi du prophète صلى الله عليه وسلم الآن دليل واضح خذوا عني مناسككم أي tu fais الحج comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait الحج كذلك الصلاة قال عيسى السلام صلوا كما رأيتموني أصلي فتح مسلم ست عبادة عظيمة الآن ça fait des années que tu te prépares ça fait des longtemps que tu prépares l'argent t'as fait des sacrifices etc حافظ عليها والحفاظ عليها c'est بالإخلاص et tu fais comme le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait il ne rajoute pas ça sera خير النبي صلى الله عليه وسلم il l'aurait fait il ne rajoute pas هذا الدين c'est بالاتباع لا بالابتداع كذلك الشيخ عبد المحسن إلى ستة من الآداب والأخلاق أن يحرص أو يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار كذلك هذا مهم تشوزي أن جروب إن شاء الله فيه أخيار والصالحين bien sûr c'est pour rapport à la capacité هذا لكن si tu te rends compte ou tu sais que واحد dans le groupe il fait des fitanes Obama il se bagarre il insulte il a un mauvais comportement si tu peux conseiller wa illa fabta'id an fta'id min ça va te faire des problèmes et tu vas perdre ton temps fa musahabat al akhyar c'est مهم كذلك من الاداب ان يكون معه في سفره ما يحتاج اليه من المال حتى لا يحتاج الى من الى ما عند الناس ça c'est مهم العفه قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله العفة tu vas avec ton propre argent Et Inch'Allah, tu dépends de personne. Tatawakkal ala Allah. À m'attendre la main, comme ils font certains, que ce soit fil hajj ou autre, ça te fait du mal et ça fera du mal à ton dîn. كذلك من الآداب والأخلاق أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. Et ça c'est مهم, le bon comportement. Le bon comportement. والسكينة. La douceur. C'est ça l'asl. نعم. Tu passes le salam à tes frères, le groupe qui sont avec toi, si quelqu'un a besoin de quelque chose, التعاون, tant que c'est على الخير, etc. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث اللي في الأربعين وفي صحيح مسلم ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ان يؤتى اليه. Ça c'est مهم. ان t'aimes toi ce que tu veux que les gens ils te مثلاً un câlin طيب, ils te respectent etc. كذلك انت tu te comportes avec les gens comme tu aimerais que les gens ils se comportent avec toi. Et ça c'est مهم في الحج لأن الحج c'est un groupe. ربما t'auras rarement de la solitude. Tu as besoin de patience, tu as besoin d'avoir un comportement. لأن ربما prends l'exemple dans une chambre, vous êtes 5, 6, 7, si tout le monde a un bon comportement, tout le monde respecte l'autre, ihma. Ben, Inch'Allah, t'estafid min ikhwanik. Allah, ma balouk, t'es dans une chambre avec 5 et ils ont un mauvais comportement. Et c'est ce qui se passe des fois. Tout le monde t'entend, na fulan, il s'est battu, fulan, il a insulté, fulan. Na'oudu billah. Fi haram illahi azza wa jal, on ne devrait pas se comporter comme ça. Bel fi ghiri l'haram. Lakin, fi l'haram, c'est achad. Kazalik, min l'adab qu'il a cité chez Abdel Mohsin, أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار كذلك وعجوت وقراءة القرآن والعلم فيحفظ لسانه كما قال شيخ عبد المحسن ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير ويشتغل ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعافية بالعاقبة وبالعافية وبالعاقبة كأنه الحميدة في الدنيا والآخرة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن ابن عباس. هذا خلق عظيم الاشتغال بما يعنيك والاشتغال بالعبادة بالذكر بالقرآن خاصة هناك تدعون عبادة عظيمة. أما كثرة المخالطة والقيل والقال فلان لا دي فلان لا في سبب دي فتن et tu feras du mal à cette عبادة عظيمة. يا أخي c'est une فرصة. Tu sais pas est-ce que tu pourras refaire le hajj après cette année. Est-ce que tu seras encore en vie, est-ce que tu auras les moyens, profite-en. Ton but, c'est de revenir comme le jour où ta mère t'a enfanté. Ton but, comme a dit le Nabi sallam, « Al-Hajj mabroul, laïsa lahu jaza'un, illa jannah. » Fais truc, al-fitan. Truc les choses qui te font du mal. « Wa hadar, kull al-hadar akhil karim min al-jidal. » Khasatan dans les chambres, ou dans le transport, quand tu as du monde, « Wal-jidal, wal-khusouma. » Le but, c'est pas le haq. Fulan, il veut humilier fulan. Fulan, il veut avoir le dessus. Les fitan, fulan, il a dit... Abadan, fi ghayr al-hajj, on ne doit pas se comporter comme ça. Lakin fi al-hajj, c'est al-amr, il n'est pas sahl. Qala Allahu azza wa jal, al-hajj, ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafatha wala fusuqa, wala jidala fi al-hajj. Al-shahid qawluhu azza wa jal, wala jidala fi al-hajj. Ça c'est nahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqillah fi nafsik wa fi ghayrik. Kadhalik min al-akhlaq, أن يحذر إذاء غيره بقول أو فعل. كذلك on l'a cité, لكن شيخ عبد المحسن il le recite هنا نعم للأهمية. قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث اللي في الصحيحين. هذا المسلم. المسلم il doit pas avoir peur de toi, لا من لسانك لا من يدك, il est في سلامة منك. هذا سيسا المسلم. فاحذر tu fasses du mal à ton frère, خاصة les personnes âgées هنا. تعلمون أن une كلمة Une parole, ahyanan, ça blesse beaucoup plus qu'un coup. Une parole, ou là, un regard. Alors, ton comportement, c'est mohim. Et si tu te trompes, ou tu glisses, ou tu as eu un mauvais comportement, ça arrive. Al-insan, il n'est pas ma'soum. Naam, ben, Adam, on a été créé comme ça. Wa khuliqa al-insan dha'ifa. Lakin, si il t'arrive un manque, tourne vers Allah et demande pardon à ton frère. Naam, lianna, ton frère, voilà, si tu as eu un mauvais comportement ou une mauvaise parole, si tu lui demandes pardon et tu tourne vers Allah qabla dhalik, inshallah, le frère, ça lui fera du bien. Le mal que tu lui as fait avec cette demande de pardon, bi idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne, et ce frère, inshallah, il te pardonne. Fahada, c'est muhim. كذلك on sait et نعم ذهب الوقت on essayera de faire des cours نعم de moins d'une heure لأن المشكلة الآن c'est le وقت وقت الحج الحقيقة on s'est pris un peu tard لكن الحج c'est bientôt et nous on espère finir ces dorous on va résumer avant pour que ceux qui écoutent si partent au Hajj ils profitent Inch'Allah on essayera de faire moins d'une heure enfin on finit avec une nasiha في هذا الباب باب الإذاء لكمبورتمون احذر أخي الكريم من فتنة التصوير فتنة التصوير سين فتنة وللأسف في الحرم كسسوا المكي والمدني هذه الفتنة المنتشرة لأن الناس يسون على الجهل فاحذر أنت تنسني ولله الحمد تكد دروس تفيد زفور فابتعد من هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين اكارتو دي شبه سي صوره سي حرام اما بعض الناس ربما يفون دير مي شيخ فلان الذي شيخ فلان انت جامي دي تو بروند دي فوتو في الحرم اي دو ديرانجي لي جون اي تو ديليس الافكار تو لي بلو القران اي الشيطان يغون لان سيت فوتو الي بريز ثم تو لانفوا ا فلان ثم الرياء تانيا لي بلو بون Cheikh Foulan, il t'a jamais dit de prendre des photos fihada. Ihfad ala dinik, hafid ala dinik. As-salamatu la yu'diluha shay. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Ashaddu al-Nas adaban yawm al-qiyama al-musawwirun. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Kullu musawwirin fi'l-nar. Fala takun sababan li'l-shar. Ala nafsik ou ala ghayrik. Y'a aucune faïda. Elle est la faïda? La faïda du hajj. Toutes ces générations là qu'ils ont fait le hajj avant nous, ça n'existait pas la photographie. Est-ce qu'ils ont eu un manque? Abadan. Leur but c'était l'ikhlas. Amma nahnu l'an, c'est un bab khatir fil haqiqa. Wallahi, tu trouves bard al-nas, ils font des photos de famille, عند الكعبة. Et ils sont en ihram. Un wahed, il demande à l'autre de le photographier. Limada? Qu'est-ce que tu veux? C'est une ibada? Ou tu veux que les gens ils te voient? Ou... C'est un bab khatir jiddan. Wal ulama yuhadhirun min hada. Et nous, on doit s'entraider fi hada. Il n'y a aucune haja, bel, il y a un darar azim. Et tu fais du mal à certains. Ahyanan, tu fais le tawaf, tu ne peux plus passer. Hada, il fait une photo là, hada, il filme. Tu le conseilles, il s'énerve. Ça, c'est du ida les muslimin. Wala yajouzou lak, khassatan fil haram. Janib al ka'ba. Et il se passe ces choses, fallah al musta'an. Kadhalik, on conseille les frères. النغمات أي لسونغي دي تليفون يا أخي quand tu rentres في الحرم éteins ce téléphone c'est pas un moment pour appeler ou pour خاصة quand tu fais tawaf etc ou si tu le laisses allumer لأن il peut avoir une حاجة mais le silencieux أخي الكريم au vibreur si t'as un appel مهم يجوز de parler que ça soit في مسجد الحرم ou autre يجوز حتى en état d'ihram يجوز de parler au téléphone خاصة s'il y a une حاجة etc لكن وبعضهم مرون بواحد يفزي الطواف يدكريفه اللي تو تليفون يدكريفه سكي فاز والمصيبه انه يسلم اكسيتيرا اي اللي تي في الطواف نعوذ بالله من الفتن فهذا اون في اتونسيون لي سونري دي تليفون احيانا سي لا ميوزيك احيانا سي لا ميوزيك لا يجوز لك لا ميوزيك سي حرام تصور انت كي aurait pu croire il y a quelques années les années 80 حتى les années 90 أنه يغا دو لا ميوزيك ديز ايماج دي فوتو اكسترا في الحرم اون بار با دي زوت مساجد دي زوت مساجد الان صلى الله السلامه في الحرم ف اون سوي با لي جون سوي با لي جون تو موند في جو في يوم القيامه تو سورا تو سول اي تا انتندو on t'a lu les hadiths qu'on a cités. كذلك تنبيه بعض الناس ils pensent je mets pas de la musique dans mon téléphone, je mets du Coran. حتى القرآن c'est pas fait pour les sonneries. Coran tu mets dans ton téléphone pour écouter, طيب. أما une sonnerie là, لأن ربما تي او فيسيل التليفون يسون. Et c'est du Coran. Et qui c'est qui t'a autorisé à mettre du Coran dans les WC? أعوذ بالله. Laisse un téléphone à téléphone, mais une sonnerie normale. Mais une sonnerie normale, c'est qu'un téléphone. Si tu veux du Coran, si tu veux ces choses-là, enfin, ma'rouf, pour écouter, pour lire, il y a des moments. C'est quelques nasaïhs qu'on voulait faire, cette muqaddima, avant de rentrer dans les ahkam, inshallah, à partir de demain. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. Inch'Allah, Radan, on continue. Les doros, comme on a dit, ça sera lundi, mardi, mercredi. Pour l'instant, on fait à 19h15. Lakin, si on voit que le Maghreb c'est proche, le Maghreb ça commence à se rapprocher l'an, Inch'Allah ta'ala, on descendra l'heure. Celui qui a un ishkal ou un tambi, Inch'Allah, il envoie sa question à l'adresse du site. Et Inch'Allah, si c'est par rapport à notre cours, on essaiera de clarifier dans les prochains doros. Hayyakum Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.